Tu le connais là quoi. Explosif, clic clic, on représente la street street. On fait du bif bif, mais tu connais la team team. 9-3 zig zig, au flottant thématique tic. Distress. Explosif, clic clic, on représente la street street. On veut du bif bif, mais tu connais la team team. 9-3 zig zig, au flottant thématique tic. Distress. Les trois sorties de la street zère, on gère les paysers. Au cœur du désert, au père visé, au rayon laser. Le créé de la caserne, le casier n'est pas vierge. Comme la chatte de cette porno star qui fait la chienne. Oui, c'est la partose musicale, négro c'est la hesse. Donc partout, le eusichial c'est la thèse. Tu descends à Smirnov pour retrouver la pêche. Et tu détournes un Smirnov pour faire entrer la fraîche. Fraîcheur de vivre, donc si tu boules c'est jeune. Pêcheur dans la vie, sur le hood c'est le langage du gun. Urbaine et la jungle noire, noire et la panthère. Laisse l'esprit vengeur avancer le cap de la colère. Trop de cœur sur Paname, donc tout marche à la cage. C'est tout le monde qui veut sa tasse, sa liasse et sa calache. En mode dirty blood, 187, code meurtre. Trop de sang sur la prod parce que je suis trop tech. Explosif, clic clic, on représente la street street. On veut du bif bif, mais tu connais la team team. 9-3 zig zig, au flottant thématique tic. Distress. Explosif, clic clic, on représente la street street. On veut du bif bif, mais tu connais la team team. 9-3 zig zig, au flottant thématique tic. Distress. Trop de blême pro dans la street pour trouver l'envie de fourrer. Oh, j'm'accroche au bitume comme un RS4 volé. La drogue qui vous consume comme la Jack qui vous consulte. Y'a Joe Black sur un démasqué, voudrait qu'on se pute. Parole d'un jeune affranchi qui s'approche de la trentaine, qui tranche dans le vif sans larmes et sans peine. Mais avec arme, préfère le vacarme du bling bling que vous entendre gémir. Pas de bing bing bing, ni de pimp ma ride sur le parking. Parqué, arrive le courage à part le tout puissant. Jouissif comme mettre la clé de contact dans une voiture puissante. J'ai les péchés qui s'empilent les uns sur les autres. Ma SNL qui préfère aller chez les autres. Gros c'est la guerre sur Paname. La musique tourne comme une bouche d'Hlel. Le mois du Ramdam 2008. Faut sortir le gun. Tire les cheveux de la malchance et crosse-lui sa grande gueule. Explosif, clic clic, on représente la street street. On veut du bif bif, mais tu connais la team team. 9-3 zig zig, au flottant thématique tic. Distress. Explosif, clic clic, on représente la street street. On veut du bif bif, mais tu connais la team team. 9-3 zig zig, au flottant thématique tic. Distress. Tu le connais là quoi. Tu le connais là quoi. Tu le connais là quoi.